Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 377 qui commence maintenant. Fougueux jeunes gens qui viennent d'entamer l'émission, s'appelle Nostromo, c'est un quatuor de métal suisse qui a sorti fin d'année dernière leur troisième album depuis 1997. L'album s'appelle Bucéphale, le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Lachon Ara. Voilà, c'est un quatuor qu'on a cru séparé pendant 11 ans, entre 2005 et 2016. Mais qui sont revenus donc récemment et puis depuis 2-3 ans et qui produit un métal épileptique, marie un petit peu les froides dissonances indus, les visions un peu maléfiques du sludge ou la force brute du power thrash. C'est assez violent, c'est hypnotique, c'est dévastateur, toujours très très obscur. Voilà, et au niveau technique, c'est toujours impeccable, bien sûr, comme souvent dans ces musiques. Sinon, au programme de cette émission, on aura du post-punk très expérimental avec les Psychotic Monks, un premier album de la semaine. On aura une séquence rock plutôt bien foutue. On aura de l'électronique un peu IDM, on va dire. On aura du R&B un peu grime. On aura de la pop de luxe avec Rosie Plain, un second album de la semaine. On aura du jazz, voilà, on aura du pop folk. Et on terminera par des choses un petit peu cinématiques. On commence de suite avec le premier album de la semaine qui est signé Psychotic Monk, Couture venu de Paris, c'est leur troisième album, il s'appelle Pink Collar Surgery. Voilà, donc on le classe hein, du post-punk très expérimental, il y a des éléments noise aussi là-dedans. En tout cas, ils vont d'album en album, toujours vers de plus en plus d'expérimentation, de plus en plus audacieuse, voire intransigeante. Ça combine un petit peu les constructions abstraites de la musique contemporaine tout en conservant l'aspect viscéral et l'intensité venue du rock. L'album compte 7 titres dont la durée s'étale entre 3 et 10 minutes plus 5 interludes d'une minute ou moins. Donc déjà dans la construction, c'est pas banal. Les références qu'on peut avoir en tête, c'est Oxbow, Liars ou Guy Laband. Guy Laband, d'ailleurs, le producteur de l'album, Daniel Fox, et le bassiste de Guy Laband, les anciens Girl Band. Voilà, il paraît que c'est excellent sur scène et ils se produiront d'ailleurs le dimanche 30 avril prochain au Métronome. Je pense que ça peut valoir vraiment le coup. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Crash, le second s'appellera Post-Post. Donc Psychotic Monks, c'est parti. Share. Voilà, donc un instant, vous avez pu goûter à la musique à nul autre pareil, absolument jubilatoire, jubilatoire mon sens en tout cas, des psychotiques monks, donc des gens qui ont un petit grain, qui seront sans doute intéressants à voir le 30 avril du côté du métronome. On poursuit avec une séquence rock qui nous amène aux États-Unis avec Tension Span, trio qui vient de sortir son premier album, mais trio qui n'est pas composé d'amateurs, puisqu'il est composé de Nolandis, de Neurosis, de Matt Parillo, de Dystopia ou Kicker et de Geoff Evans d'Asunder. L'album, comme c'est 13 morceaux, il fait 45 minutes. Et c'est un post-punk assez noir, parfois qui nous amène vers du punk hardcore. C'est souvent remarquablement fiévreux et glauque. C'est très très musical en tout cas. Et au niveau paroles, il y a beaucoup de questionnements sociaux notamment. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Filaments. Tension Span, c'est parti. Each of us are filaments. elections are lost. Everyone in this equatorial world one day wakes up holding themselves losers. The sun slowly mounts the morning sky, lighting up the doorway you walk through for coffee and a cigarette in the kitchenware. Sequestered late with Karsten the night before, talk turned on the changing grace of neighborhoods, bars. How all our youthful indulgences and stardom tap out. Sun, when its light culminates in wind-blown autumn leaves and is swallowed whole like a ghost in cloud. It's only reminding you to go back to Reichenberger Straße to relight the candle in the kitchen. Sometimes sides don't lose, they collapse. You know how the keenest people around know when to shut up and don't have to go out of their way to prove anything. Voilà, juste après Attention Span, on est resté des choses post-punk, puisqu'il s'agissait des Enablers, donc tiré de leur 8e album en date depuis 2004, Some Gift. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Phone Blows Up. Voilà, c'est du post-punk racé, mélancolique, tout en tension et en dépression, porté par le remarquable parler chanté très poétique de Pat Simonelli. C'est sorti chez Wrong Speed Records. Et notez également qu'il y a une pochette magnifique signée par l'artiste David Hand. On poursuit avec une séquence un petit peu IDM et on commence par Hudson Mohawk, le petit prodige de chez Warp, Ross Matthew Birkard, de son vrai nom, un écossais qui vit à Glasgow. C'est son troisième album depuis 2009. L'album s'appelle Cry Sugar. Voilà, c'est un album fourre-tout qui va de la trap d'Atlanta à l'IDM anglaise. Il y a une diversité assez maladive sur cet album. Hein. Il peut confronter des patterns de 808, des samples de soul surpitché, des spirales acides un peu à la Aphex Twin ou des parodies des Neptunes. Voilà, on peut passer à la moulinette par un tas de filtres. Voilà, il convoque un patchwork régressif, bourrin, putassier, d'où il fait parfois surgir surprenant passage assez beau. Sa qualité première, voilà, il ne fait pas dans la même mesure, il parle au bas instinct, il ne cherche pas à répondre à un quelconque cahier des charges. Il fait ce qu'il sent, ce qu'il éclate, et ça se sent. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Is it supposed ?» Donc, Hudson Mohawk, c'est parti. « Thank you.

On est resté en électronique un petit peu déstructuré avec le duo londonien Jockstrap, duo composé de Georgia Ellery, la violoniste de Black Country New Road qu'on adore ici, et Taylor Sky, producteur londonien. Donc, c'est sorti chez Roof Trade Records, donc c'est des expérimentations électropop complexes, bien loin des formats et structures conventionnelles, et qui se tourne vers des arrangements et des sonorités bizarroïdes. Il y a du folk, il y a de la drum and bass, il y a du jazz, il y a du trip-hop, tout est manipulé, déstructuré, et ça confectionne une pop foutrac mais inventive. Le morceau qu'on a écouté était un des plus électro de l'album. À noter qu'ils ont bénéficié d'une énorme estime critique en fin d'année dernière. On poursuit vers des choses un peu plus R&B sous le grime avec Shy Girl, la londonienne, donc on reste à Londres. Blaine Muiz de son vrai nom, qui vient de sortir son premier album, Nymph, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une rappeuse et DJ anglaise, une chanteuse, songwriter et cofondatrice à la fois du collectif et du label Nux. Elle est connue pour ses collaborations avec la chanteuse FK Twigs ou le rappeur Slowthai, ainsi que pour plusieurs EP qui ont pas mal fait parler d'eux récemment. Voilà, elle est nourrie par la culture club, le grime ou l'électro-garage ultra syncopé. Il y a des paroles très crues, très humoristiques, souvent tournant autour du sexe. Et voilà, ainsi que des passages pop ou R&B, et le tout dans un mélange très très rétro-futuriste. Le morceau qu'on va écouter s'appelle WE. Time to juste après Shy Girl, on a poursuivi avec la machine à tube Santi Gold, Santi White, c'est son vrai nom, la philadelphienne, donc c'est tiré de son album Spirituals. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle No Paradise. Elle n'avait pas donné signe de vie depuis son album 99 Cents de 2016. Je crois que c'est dû à une dépression assez sévère et au syndrome de la page blanche qu'il a habité depuis. Mais elle est revenue avec un album assez cathartique qui puise son inspiration dans ce mouvement qu'on appelle le Negro Spirituals. Et ça se sent, elle est entourée d'un tas d'invités, donc Nick Zimmer, Rostam, SBTRKT, les technos suédois, Boys Noise, Jack One, Liangelo ou encore Lido. Et voilà, c'est un mix efficace et singulier de rock indé, d'électro, de R&B et de hip-hop. C'est très très agréable d'écoute, comme souvent avec Santi Gold. On poursuit avec le second album de la semaine qui nous amène du côté de l'Angleterre, qui est un vrai album 2023 et comme le premier. C'est d'ailleurs les deux seuls albums 2023 de cette émission. La première ce qui me concerne en tout cas, va puiser dans le répertoire de 2023. Donc Rosaline Leyden, de son vrai nom, vient de Bristol, mais je crois habite à Londres actuellement. Elle sort son quatrième album depuis 2008, l'album s'appelle Prize. On avait adoré son Free End de 2015, qui avait été également l'album de la semaine ici. Donc c'est une membre de notre groupe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle This Is The Kit, le groupe de Kit Stable. Elle est également collaboratrice régulière de Rachel Dad ou de François et de The Atlas Mountain. Sur cet album, elle s'est entourée d'une part de ses musiciens de tournée, le batteur Jamie Weeby Coles, le bassiste Amory Ranger, le guitariste James Ward et le pianiste Gerard Black. Elle a des invités également, donc sa copine Kate Stable, donc This Is The Kit au cœur, des saxophonistes comme Alabaster de Plume ou Cole Pulis, l'harpiste Serafina Stier. Voilà, et tout ce petit monde donc nous concocte un album d'introspection synthétique, puisque le synthé est l'élément dominant. Il y a potentiellement pas mal de guitares, alors elle s'est fabriquée une guitare par elle-même, et ça se sent, il y a un côté vraiment très lofi dans le jeu de guitare. Voilà, il y a une voix discrète, timide, un chant parcimonieux qui laisse plutôt flotter une musique aux limites électroniques, le tout porté par un synthé flottant et cotonneux. Il y a quelques arpèges folk, beaucoup de lenteur, c'est doux et méditatif, et cet album, à mon sens, achève de la placer dans ce que la pop anglaise produit de mieux actuellement. Donc on va écouter deux titres, Hargrain for Two et Paint in the Room. Thank you. you're so well, you're so sick. Meet me for the rest of it. Prize for the winner. C'était le second extrait de notre second album de la semaine, l'album Prize de Rosie Plain. On poursuit avec une séquence jazz. On commence par le numéro 14 de la série Jazz is Dead, donc fameuse série dirigée par le producteur californien Adrian Younge et le membre fondateur d'A Tribe Called Quest, Ali Shahed Muhammad. Donc c'est une série dans laquelle ils invitent certains de leurs héros de la soul jazz des années 70 comme Roy Ayers, Marcos Valle, Joe Donato ou encore le regretté Tony Allen. Donc ils les invitent à enregistrer production originale. Et là, sur cet opus 14, c'est Henry Franklin, le contrebassiste, figure du label Black Jazz Records, qui a notamment enregistré avec Stevie Wonder, Freddie Hubbard, ou également joue aux côtés de Roy Ayers ou Ornette Coleman. Voilà, donc l'ont invité à enregistrer, je crois, 6 morceaux de haute volée en compagnie du guitariste Jeff Parker, notamment. Et on est tout à fait dans un registre soul jazz 70s ou de la musique de film Blaxploitation par moment. Voilà, c'est plutôt du très bon jazz. Le morceau qu'on va écouter s'appelle African Sun. Voilà, juste après Adrian Lunge et Ali Shahed Muhammad avec Henry Franklin, on a pu écouter encore du jazz avec Tom Skinner, donc tiré de l'album Voice of Bishara, le morceau Bishara. Donc c'est son premier album sous son nom propre à Tom Skinner. Il en a fait 4 sous l'alias Hello Skinny. Et on le connaît également comme membre fondateur des Sons of Kemet ou également de The Smiles avec Johnny Greenwood et Tom York, les deux Radiohead. Voilà, donc cet album-là, c'est du jazz, jazz pur et dur, on va dire, placé sous l'influence du violoncelliste Abdul Wadud, son album de 1978, Be Myself. D'ailleurs, le titre de l'album de Tom Skinner, Voice of Bishara, est carrément le titre d'un des morceaux de cet album. Et également placé sous l'influence du batteur Tony Williams, c'est son album Lifetime. Puisque c'est lors d'une écoute, d'une réinterprétation de cet album que Tom Skinner a invité les musiciens qui faisaient cette réinterprétation à une session d'improvisation. Donc les musiciens, c'est le violoncelliste Karen Dice, le contrebassiste Tom Herbert et les deux saxophonistes Nubia Garcia et Shabaka Hutchings. Voilà, donc c'est une séance d'improvisation qui a servi de corps à l'album. L'album composé de 6 morceaux aux ascendants funk, free jazz ou même hip-hop, c'est assez varié, c'est assez inclassable. Et en tout cas, c'est excellent. Voilà, donc Tom Skinner, Voice of Bishara. On poursuit avec une séquence folk-pop qui commence par Nadine Khoury, donc l'anglo-libanaise, qui a sorti son second album depuis 2017. On avait beaucoup aimé le premier, donc c'est quelqu'un qui a sorti des albums sous l'influence de John Parrish, le célèbre producteur anglais qui notamment travaille avec Pete Gervais, qui a été conquise par sa voix chaude et sensuelle. Donc il a poussé à enregistrer cet album et encore celui-là, puisque encore ce dernier album, Another Life, puisqu'il est toujours producteur là-dessus, et c'est donc du blues folk haut de gamme, légèrement mélancolique. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Song of a Caged Bird. À noter qu'elle sera sans doute en concert du côté du Labo des Arts, sans doute en avril. Je ne suis pas arrivé à retrouver la date, mais j'avais vu ça sur un flyer. Je vous tiendrai au courant. Voilà, Nadine Khoury, Song of a Caged Bird, c'est parti. I woke up in a spell. With the morning dew, drinking the dregs of all my regrets. These hanging above my bed. I woke up in a scream. Pixelated dream with nothing to choose and hours to lose. Something was choosing for me. And in another life outside of time, no one to predict or direct, no trick mirror to inspect. I woke up in a club, a thousand bars. It shook. Ain't no record except my memory of it. Just an imprint under my skin. And in another life we moved our my next steps of who I left behind. All them ghosts uncared where I slept last night. Who to follow? Oh, to like. What kind of song would the cage bird be singing? What kind of life would the cage bird be living? Too strung out on the screen of fear that you like. Flowers bend into the neon light. Fever. Voilà, donc juste après Nadine Coury, on est resté dans des choses un petit peu pop-folk avec le très barbu Will Sheff. Donc c'est un premier album sous son nom, l'album s'appelle Nothing Special. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Estrangement Zone, donc, mais avec son groupe, le groupe dont il est leader, Okkervil River, il a sorti 9 albums depuis 2002. Groupe dont le destin est un petit peu en suspense suite au décès du batteur Travis Nelson. Donc ce qui a sans doute poussé Will Sheff à faire cet album solo. Je crois qu'il y a d'ailleurs un morceau hommage à son batteur et ami. Voilà, c'est de la pop-folk classée orchestrée qui fleure bon les grands espaces de l'Ouest américain. La pochette, c'est d'ailleurs une superbe vallée d'Arizona ou du Dakota, je ne sais plus. C'est pas si éloigné ce qu'il fait avec Okkervil River. Il s'est entouré pour l'occasion d'un sacré groupe dans lequel figure notamment Christian Lee Hudson au piano et à la guitare acoustique, ou encore le multi-instrumentiste de Death Cab for Cutie, Zach Rae, et ça jungle mal les services du fameux producteur américain John Congleton aux manettes, producteur qu'on a pu voir notamment enregistrer les albums en compagnie de Bill Callahan, Nelly Furtado, Explosion in Sky ou encore les Polyphonic Spree. Voilà, excusez du peu. On poursuit, on termine même l'émission, comme toujours avec un morceau assez calme. Cette fois, le morceau nous est proposé par Lisa Gera et Marcelo De Francisci. Alors, Lisa Gera, on ne présente plus, c'est la diva de Dead Can Dance. Elle a également fait pas mal de musique de films, notamment celle de Gladiator, où elle a prêté sa voix à la musique de Gladiator, ou à celle de film de Michael Mann. Marcelo De Francisci est lui aussi célèbre, même si le nom parle sans doute moins, pour ses musiques de blockbuster, donc Avatar, Mission Impossible 3 ou encore Hellboy. Voilà, tous les deux, ils font un mélange de paysages orchestraux, c'est très cinématographique, c'est exotique, il y a une dimension indéniablement symphonique, il y a des motifs orientaux, ça c'est souvent le cas avec Lisa Gera, et le tout voilà, donc, est magnifiquement sublimé par la voix de Lisa Gera. C'est leur, je crois que c'est leur 5e ou 6e collaboration à eux deux. Hein. En tout cas, ça va conclure l'émission avec le morceau When the Light of Morning Comes, donc tiré de cet album Exodia de Lisa Gera et Marcelo De Francisci. Et je vous dis à dans 15 jours, si tout va bien. Ciao.